Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes maintenant 9 jours avant le passage du soleil. Alors une grande partie de l'équipage est rentrée dans leur caisson de cryogénisation, si on peut faire ça comme ça. Jusque là, hein, jusqu'à ce que vous arriviez à ce 9 jours avant, vous avez vu quand même, je vous résume un petit peu, vous avez eu quand même pas mal de boulot, puisque il faut que vous vérifiez que l'ensemble de la structure hein, du vaisseau, tout ça, et résiste bien à la montée de la température, parce que forcément vous vous rapprochez du soleil, donc votre Esperanza est malmenée de plus en plus par les températures qui montent de façon assez exponentielle. Bon, après, comparé à ce que avait vécu l'Esperanza 64, qui avait été le premier vaisseau à passer par le soleil pour profiter de la vitesse et de la gravité, vous avez quand même eu de l'upgrade, hein, puisque Exodus, donc, qui est le projet, a profité de l'expérience de tous les Esperanza qui sont passés avant vous, hein, entre le 64 et vous, pour peaufiner, pour améliorer à chaque fois la résistance du vaisseau, le flux d'azote qui va justement venir apporter un peu de soutien pour les zones du vaisseau qui seront primordiales pour passer ce cap, hein, donc notamment les réservoirs d'azote qui sont très fragiles en soi, même si c'est l'endroit où qui est le plus froid du vaisseau, puisqu'on attend quasiment les moins 290 degrés, mais ils sont assez instables. Donc si jamais la chaleur venait à être trop importante à cet endroit-là, il pourrait y avoir du coup une explosion qui pourrait littéralement détruire le vaisseau dans son entièreté, donc ce qui n'est absolument pas préconisé hein, pour vous. Pour l'instant, vous n'avez eu besoin que de vérifier, que de peaufiner un petit peu tous ces passages-là, en ce qui vous concerne, hein, bien sûr, la maintenance pour toi, Richard, Et toi, Wade, ça a été un petit peu parsemé par des phases de cours, de formation sur ton état de nettoyeur. Et en même temps de maintenance, voire aussi de contrôle au niveau de l'informatique du vaisseau pour éviter, pour être sûr que les composants informatiques, que les logiciels qui vont gérer le passage soient en état et qu'il n'y ait pas de défaillance au moment propice, quoi. Donc, vous avez vu la grande majorité du vaisseau partir dans leur caisson. Vous êtes aujourd'hui à peu près une cinquantaine de personnes à être restées. Vous n'avez pas besoin de plus de gens, a priori. Votre commandant vous a donné donc les directives à suivre pour les jours à venir. Et vous sentez que ça va être quand même assez retors. Ça va être assez compliqué malgré tout, même si c'est beaucoup plus carré qu'avant. Parce que... au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher, les températures vont être titanesques. En gros, grâce à l'azote, vous allez avoir des salles qui vont avoisiner les 50 degrés au grand maximum. Mais si l'azote n'était pas là, ce serait quasiment du 450, voire 500 degrés dans certains compartiments, ce qui était juste invivable. Du coup, votre chef, qui n'est autre que Raymond Astéry, vous fait un petit peu le topo. Alors aujourd'hui, ça va être un simple contrôle au niveau des pompes d'azote qui doivent envoyer en gros dans les parties les plus importantes du vaisseau. Donc vous allez tous les deux vous diriger vers ces pompes et essayer de contrôler que celles-ci soient en bon état. Il y en a 6. Il faut au minimum 2 pompes de valides pour l'ensemble du vaisseau. Sans ça, ça pourrait être très catastrophique pour la suite des événements. Il vous envoie tous les deux. Il estime que pour la pompe 1 et la pompe 2, qui sont situées sur l'aile ouest de l'Esperanza, deux personnes suffisent. Donc vous arrivez dans une espèce de grande pièce qui est assez imposante. Et vous voyez deux grosses machineries, deux grosses blocs qui correspondent chacune à une pompe. Vous vous en approchez et vous allez contrôler que celle-ci fonctionne de façon adéquate. Donc, ce que vous allez me faire un petit jet de... pour toi, Wade, construction maintenance, autant pour moi. Là où tu performes le plus, donc forcément. Et donc pour toi, c'est pareil. On est sur de la construction maintenance et mécanique. Voilà, pour toi, Richard. J'ai fait 24. Ok, bien. Et toi, Richard ? J'ai fait 8. Des professionnels, évidemment. Alors, pour gagner du temps, parce que là, en ce moment, vous travaillez dans des journées qui vont de 8h à 19h. C'est des grosses journées, ça bosse dur. Donc pour gagner du temps, pour essayer peut-être de grappiller un peu de minutes de repos, vous êtes mis chacun sur une pompe. Et vous vous rendez compte que, à part des petites défaillances mineures que vous corrigez assez rapidement, surtout des choses qui se sont déréglées à cause des contraintes ou peut-être quelques soudures qui ont pété dans divers endroits. Vous réglez ça, mais aux petits oignons. À tel point que même toi, Richard, tu vas tellement vite que tu viens rapidement aider ton partenaire. Finalement, tu te rends compte que il a déjà fait une grosse partie du boulot. Mais ça vous prend vraiment, même pas une heure à tout péter pour faire la maintenance. Et vous revenez voir votre chef en lui disant que vous avez fini. Vous êtes déjà de retour ? C'est fini là ? Oui, c'est pas comme s'il y avait eu des malversations sur le chantier non plus, quoi. Il est tout neuf le vaisseau. Ouais, mais enfin bon, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi rapide. Ouais, on est aussi très bon. On a fait un rapport, de toute façon, on a même eu le temps, donc t'inquiète. Tu veux savoir ce qu'il y a exactement. Bah du coup, tu vois qu'il a une espèce de petite tablette à la main. Il commence à regarder. Bon, vous remarquez quand même que vous avez tous un petit peu, un peu plus chaud maintenant. Hein, si on devait regarder aujourd'hui la température à bord, bon, on est quand même sur du 30 degrés. Habituellement, on avoisine le 23, voilà, quelque chose d'assez... voilà, mais déjà 30 degrés, malgré la climatisation. Oh, avec le réchauffement climatique, on a l'habitude. Oui, oui, ça va. C'est vrai. Au final, on avait froid avant qu'on arrivait sur le vaisseau. Écoutez, je vois que vous le prenez bien, tant mieux. Faites bien accrocher ce qui nous attend. Écoutez, vu que vous avez déjà terminé, parce que bon, avant ça, vous avez eu à faire des petites choses, hein, c'est pas la première chose que vous faites de la journée, hein, vous avez eu à bricoler 2-3 trucs à droite à gauche, vérifier que des isolations ont bien été faites dans certains secteurs, que eh bien, les systèmes de refroidissement des composants électroniques dans le compartiment informatique était stable. Pour vous, ça n'a posé aucun problème. Wade, étant donné que toi, tu sais déjà, tu connais déjà, à tous les deux, vous avez fait quand même un sacré boulot. Et comme je te l'ai dit, hein, de ton côté, Wade, tu as eu aussi ta formation de nettoyeur qui continuait. Et a priori, tu es toujours aussi performant. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, si vous libre. Voulez, je vous donne un petit quartier libre. Vous revenez d'ici 2-3 heures. Hein, et on essaiera de voir s'il y a d'autres choses, mais il y aura forcément. Ok. Du coup, voilà, il vous donne un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire là, vous... Voilà. Après, vous n'êtes plus que 50 dans tout le vaisseau. Ouais. Donc, la vie est très... Voilà. Alors, vous avez remarqué que, pour des raisons, en gros, de température, pour essayer de diminuer un maximum la température, quasiment tout est éteint. Donc, vous êtes équipé, en gros, pour l'instant, de casques avec des petites caméras qui sont sur le côté, qui permettent justement à certains de voir ce que vous faites. Si jamais il y a un souci, vous êtes en connexion avec la Terre, qui peut vous donner des instructions pour gérer peut-être des choses qui pourraient être un peu plus techniques pour l'un d'entre vous, pour que ce soit optimisé. Mais du coup, voilà. Oui. Du coup, il y a du temps de latence, non, j'imagine. Alors oui, forcément, c'est pas instantané, mais ça reste quand même incroyablement rapide malgré tout. Il peut se passer, je sais pas moi, quelques minutes entre le moment où vous avez posé la question et la réponse. D'accord. Voilà. Après, voilà, vous savez que tout le vaisseau est quasiment éteint. Les choses qui ne sont pas primordiales pour la survie sont éteintes. Donc, faut vous imaginer dans une ambiance un peu sombre avec juste, vous savez, les petites diodes de sécurité qui sont allumées. Juste, ça éclaire juste ce qu'il faut pour voir où vous allez, pour éviter de vous péter la gueule. Mais voilà, c'est vraiment le strict minimum. Et après, voilà, les trucs qui sont pas indispensables sont éteints. Donc vous n'avez pas les lieux de vie, tout ça, tout ce que vous aviez, c'est éteint. Il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment spartiate. Donc en soi, qu'est-ce que vous avez prévu pendant les 2-3 heures? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu en particulier ou... Vous allez juste pioncer. Moi, je serais bien tenté de demander à Richard... Bon, au final, ils sont passés, les cigares que tu devais faire passer en contrebande. Bon, j'imagine que j'ai éteint ma caméra avant ça. Oui, tu peux la couper quand... ils sont passés, finalement, ces cigares que tu me dois. Ils sont passés ou pas? Est-ce que je peux faire un jet pour savoir? Quelque chose comme ça? Ou alors ils sont pas passés? Bah non, mais on peut faire un jet, effectivement. Alors, je sais que tu avais récupéré déjà tous les médicaments, tout ça, et tout, mais on... Alors, tu les avais passés dans quoi exactement, tes cigares? Dans la valise que tu avais mis au départ? Oui, parce que vous êtes venus tous avec chacun une valise. Ouais. Ouais, j'allais dire dans mes chaussures, mais on nous a fait mettre à poil. Bah non, vous êtes venu à poil. Ouais, bah écoute, un petit compartiment secret dans les coutures, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Alors, tu as remarqué que depuis que vous êtes arrivé sur le vaisseau, ça fait quand même déjà plusieurs jours, hein, même maintenant plusieurs, on peut dire mois, parce qu'il a fallu du temps pour arriver jusque-là. Vous n'avez jamais récupéré la valise que vous aviez emmenée. Bah, elle était dans ma valise. Peut-être qu'on peut voir pour essayer de la récupérer, justement. Tu t'en as peut-être une, toi aussi. Ouais, il doit bien y avoir 2-3 personnes qui gèrent le stock quand même en permanence, ce genre de choses. L'inventaire, je sais pas où. Bah, vous savez que votre référent, la personne qui gère, qui coach un peu tout ça, c'est c'est Raymond Astéris, c'est votre responsable direct. A priori, sinon c'est la commandante. Donc, on va retourner voir Raymond, hein, si tu veux. Ouais, c'est un coup ce qui nous donne de nouveau à travailler, bon. Ouais. Bah, écoute, moi je les aime bien, mais nos 3 heures de pause là. Bah, quoi qu'il en soit, vous faites le trajet, vous retournez voir Raymond Astéry, qui est vous voulez déjà bosser? Ça y est, vous avez fini? Ah non. Je vais vous donner une distinction si ça continue, parce que là, je vous donne 3 heures de pause, vous revenez au bout de 15 minutes. Non, on aimerait des infos, parce qu'on aimerait récupérer nos valoches. Vos valises? Ouais. Ah! C'est comme ça qu'on dit dans le Texas. Bon, a priori, on vous a pas mis au courant. Bah, en fait, vous les aurez jamais, vos valises. Ouais. C'était comment bien le coup d'en préparer, du coup. Bah, en fait, elles sont jamais venues sur le vaisseau. Elles sont restées sur Terre et elles ont été détruites. En fait, ils partent du principe que les gens, ça les rassure toujours de prendre des souvenirs de ce qu'ils vont faire. Donc, en gros, pour pas perturber, pour pas commencer à stresser les gens qui vont venir sur le vaisseau, on leur dit, on les laisse faire, on les laisse emmener, on leur laisse emmener des souvenirs, des choses qui. Mais finalement, ils le font pas. Donc ça veut dire que vous avez détruit le Van Gogh qui passait de génération en génération dans la famille depuis plus de 100 ans, c'est ça? Faut croire, ouais. C'est pas à cause de vous, du coup, parce que c'est pas vous qui avez décidé, mais je veux dire, ils s'imaginent pas que ça va énerver certaines personnes une fois qu'ils s'en rendront compte que genre leurs objets de famille, les choses importantes... Bah, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'ils partent du principe que ce que vous allez emmener, ça va vous raccrocher à un monde, à une planète que, au moment où on émergera vraiment de nos caissons, tout le monde sera mort. Oui, je vois. Oui. Non, mais je comprends. C'est la même logique qu'avec les liens familiaux. Si on met les frères et les sœurs dans d'autres vaisseaux, pas de souci. Écoute, moi aussi, hein, j'ai dû accepter ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Maintenant, c'est trop tard. Il n'y a plus de machine arrière. Mm-hmm. On ne peut plus retourner. Donc, il faut accepter. Pourquoi vous aviez ramené quoi? On peut se le dire maintenant, c'est détruit. Bah, à Van Gogh. Toi, t'avais un Van Gogh, toi. Tu vas me faire croire ça, toi. Non, sérieux. Qu'est-ce que t'avais ramené? Moi, j'avais un album photo, des trucs comme ça, tu vois. Pareil. Et tu crois que t'as laissé ta famille pour... et qu'un album photo, ça a tout changé? Bah non, mais si j'ai des enfants, j'aurais bien aimé leur montrer mes photos de mes parents, quoi. C'est pas faux. Bon bah écoute, hein, vu qu'on n'a rien d'autre à faire, hein, on est de retour dans 2 heures. Hein. Ça marche. Et tu vois que... il fait un sourire. Et puis... il te demande de venir, Richard, et toi aussi, Wade. Ben, venez. Vous méritez bien ça. Donc il commence à aller dans son bureau. Il arrive derrière, donc il commence à ouvrir un tiroir. Et il sort 2 cigares. Et il vous en donne un chacun. Bah, c'est comme... Hey, et ça reste entre nous. Hein. Comment t'as fait? Écoute, je suis votre chef. J'ai d'autres... voilà. Il a eu droit à ses valises, lui. Ouais, d'accord. Non, disons que je... J'ai pu converser avec des collègues qui géraient le chantier. D'accord. Eh ben écoute, si jamais t'as d'autres plans comme ça, n'hésite pas. Moi, je suis preneur. On verra. Si vous êtes de bons éléments, comme vous avez l'air de le faire, on pourra en rediscuter. Mais n'en parlez pas au commandant. Okay. Mais non. Ça reste entre nous. Ouais. Ce sera notre petit secret. Ok. Donc, tu vois, allez, qu'il sourit et puis il vous dit de dégager. Fumez pas dans le bureau. Ouais. Fumez ça loin. Ok, je t'échange ce cigare contre 10 plaquettes de Dolimax. Ça y est, il commence lui direct. Je sais pas, tu sais, je m'étais fait à l'idée que j'allais avoir au moins un cigare avec celui-là. Bon, bah, ne fume pas alors, t'imagines pas le prix que ça va valoir. Dans quelques cycles de... Quand on sera réveillé, quand on pourra dire qu'on a un cigare, pour aller changer contre des choses beaucoup plus chères. C'est vrai que ça aura sacrément de la valeur si on survit. Après, ça veut dire qu'il faut le conserver dans un endroit particulièrement humide. Donc, moi, si tu veux... Si tu me confies le tien, je peux m'arranger pour nous faire une petite cave à cigares. Comme ça. Ouais. Ce serait, mais du coup, ça demanderait quand même de peser. Peser le plaisir immédiat en comptant le fait que peut-être qu'on va pas survivre, parce qu'on nous a quand même appris qu'on allait un moment ou un autre affronter des aliens. T'as pas compris que c'était un complot? Ils veulent nous empêcher justement de prendre nos affaires en main. C'est pour nous garder le contrôle sur nous, ça. Sûr. Bah oui. Ok, je veux bien tenter l'histoire de la flanque à cigare. Parfait. Bon bah écoute, je te propose de passer à l'atelier menuiserie et voir si on peut pas utiliser les machines et se faire un petit coffret en bois. Ça sera amplement suffisant. Ouais, je sais pas si ils auront du bois, mais on peut essayer. Bah évidemment qu'il y a du bois. Partout du bois. Ça dans l'espace, mais on va essayer. Vous essayez de trouver votre chemin jusqu'à l'atelier de menuiserie. Vous voyez que cet atelier est quasiment à l'arrêt, parce que bah, forcément, on n'a pas besoin en ce moment. Et vous vous rendez compte très vite que eh ben, c'est pas vraiment une menuiserie, parce que bah, on n'a pas vraiment besoin de bois là où on est. Du coup, c'est quasiment que des boîtes de métal, des rivets, des plaques d'alu, des plaques de machin, parce que quasiment tout est en métal. Imaginez si on arrive sur des températures extrêmes, le bois il va flamber en deux. Du coup, forcément, c'est à éviter à tout prix. Donc, bah, malheureusement pour toi, Richard, il n'y a pas de bois sur le vaisseau. Ouais. Oh bah, j'imagine que dans l'espace, personne ne vous entendra scier. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc après, je sais pas comment vous allez vous débrouiller en ouais, vrai. Je chaufferai une boîte en métal, alors ça fera l'affaire. Et puis voilà. On mettra un chiffon mouillé dedans. Voilà. Donc vous chopez ça et ben vous vaquez, vous retournez à vos occupations. Le temps passe et déjà, eh bien, on arrive à 5 jours avant le passage du soleil. La température a quand même est un peu plus élevée encore. Vous avez dû gagner 2 à 3 degrés supplémentaires. Hein, on est arrivé sur les 33 degrés, ça monte légèrement. Vous avez Raymond qui vous a expliqué que bah, va être mis en place en gros le répandage, si je puis dire, de l'azote dans le vaisseau, dans les parties importantes du vaisseau, parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas la nécessité. Maintenant ça va vraiment commencer et bien la contrepartie de ça, c'est que très vite et bien on va devoir vider le vaisseau de son oxygène. Et vous allez devoir vous équiper de combinaisons intégrales avec des bonbonnes d'oxygène et des réservoirs de flotte pour tenir. On vous fait très clairement comprendre que dans les jours à venir, parce que le temps que ça soit fait, vous allez avoir que des rations, mais dégueulasses, dans la combinaison, une espèce de purée, une espèce de pâte énergétique pour vous nourrir. Et les bonbonnes aussi d'oxygène devront être changées régulièrement. Deux jours avant le passage, eh bien, c'est là le moment où vous allez devoir mettre une combinaison. Vous êtes complètement en combinaison. Il fait à peu près 39 degrés. Vous êtes en combinaison. Vous transpirez. Vous ne pouvez pas, ne serait-ce que vous essuyer le front. Parce que bah, vous avez un scaphandre, vous avez des espèces de couches, des trucs pour uriner et chier en gros dans cette combinaison, vous ne pouvez pas l'enlever, quasiment non-stop. Vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, parce que eh bien, vous êtes sur le qui-vive à tout instant. Il commence à y avoir des avaries un peu partout, pour l'instant minime. On vous envoie au niveau d'une paroi métallique qui commençait un petit peu à subir certains secteurs au niveau électrique commencent à avoir des défaillances. Mais vous n'êtes clairement pas encore dans le gros bordel. 22 heures avant le passage du soleil. La température est étouffante. Vous êtes monté quasiment à peu près à 43, 44 degrés à l'intérieur de votre combinaison. Ça fait quasiment 24 heures que vous n'avez pas dormi. Les avaries commencent à s'enchaîner les unes après les autres, où il y a des pompes justement d'azote qui commencent à flancher. Au niveau, il y a des pompes aussi qui sont à l'arrière qui permettent d'évacuer le surplus de chaleur qui commence un petit peu à avoir des défaillances. À un moment donné, vous avez Raymond qui vous appelle un petit peu inquiet et qui vous demande les gars, on a un souci. J'ai envoyé deux gars pour vérifier une pompe. Et j'ai plus de nouvelles. Il faudrait que vous alliez voir. C'est dans le secteur de la pompe numéro 5. Il n'y a pas de fuite ? Je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles. Donc, essayez de... Qui, les gars de... Ah, c'est John et Peter. Ah oui. Ce bon vieux Peter. Voilà, c'est ça. Ça fait au moins... Je sais pas, une heure qu'ils ont pas donné de nouvelles. Je commence à... Bon, au début, c'était pas grave, quoi. Mais bon, là, ça commence à faire. Et j'ai personne... Alors, comme il dit, vous êtes sur un vaisseau qui fait quasiment un kilomètre de long. Hein. Donc, 50 personnes, c'est rien du tout à l'échelle du vaisseau. Hein. Donc, j'aimerais que vous alliez jeter un œil. Surtout, donnez-moi des nouvelles assez régulièrement. Hein, on sait jamais. Si jamais il se passe quelque chose, que je puisse envoyer quelqu'un d'autre pour vous tirer de là. OK ? Ouais. Donc vous commencez à aller là-bas. Vous voyez qu'il y a des salles en fait qui sont plus chaudes que d'autres. Hein, clairement, c'est des salles qui n'ont aucune vraie importance en termes de fonctionnement, qu'on peut laisser un peu plus chauffer que les autres. Donc vous passez dans des endroits où vous sentez littéralement quand même la température commencer à monter dans vos espèces de scaphandres. Vous avez un espèce de capteur ici qui vous met la température extérieure et la température à l'intérieur de votre combinaison. Là, vous êtes quasiment dans certaines salles, vous montez quasiment à peu près à 50 degrés, voire 55 degrés dans certaines salles. Vous, grâce à votre espèce de climatisation interne, ça maintient toujours, mais vous êtes quand même très fatigué, très, très mal en point. Vous allez me faire un test, s'il vous plaît, de constitution. Exactement, c'est parfait. J'avais tout prévu. Ok, 5. Ok, et toi 15. De ton côté, Wade, bon, ça va, tu tiens le choc. C'est supportable, même si c'est vrai que tu es quand même un petit peu fatigué. Par contre, tu vois que ton camarade Richard, même si pour l'instant, Richard, il tient debout, tu sens quand même qu'il n'est pas toujours super stable. Tu vois de temps en temps qu'il a des petits sauts de concentration ou quoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Je vais rester quand même. Je vais pas creuser trop d'écart entre nous, tu vois. Je vais essayer de rester le plus près possible de lui au cas où il s'effondre ou un truc comme ça, parce qu'on sait jamais. Et ouais. Je vais essayer de le garder concentré en lui lançant une petite blague du genre. Je croyais que c'était au Texas qui faisait le plus chaud. Est-ce que tu réagis à la pique? Bien évidemment non, c'est les c'est trop du cul, c'est le nouveau mexicain qui fait plus. Vous continuez à avancer et vous arrivez dans une section qui est un peu moins chaude, hein, on va dire qui est quand même importante. Donc vous voyez que la température tombe à peu près à 40 degrés. Donc ça vous soulage un petit peu. Quand vous passez la porte de l'endroit où ils sont censés aller, la lumière est totalement éteinte. Vous ne voyez rien à l'intérieur. Il n'y a même pas de diode de sécurité. A priori, de ce que vous comprenez, l'électricité de la pièce a littéralement grillé ou dysfonctionnel. Bah, est-ce qu'on peut encore communiquer ou pas? Alors, vous, quand vous essayez de parler avec votre chef Raymond, il y a une com. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur les lieux? L'électricité coupée, on vient à peine de rentrer. Même le système de secours et auxiliaire semble être coupé. Ok, bien. Et est-ce que vous les voyez? Enfin, non, vous arrivez à voir quelque chose? Pas du tout. Oui, non, on avance, mais je préfère te prévenir au début, on sait pas si ça va couper, si la communication va rester ou pas. D'accord, bah écoute, je... Faites-moi un rapport dans 5 minutes. Tous les 5 minutes, je veux que vous me donniez une preuve de... Comme quoi vous êtes toujours là. D'accord, mais tu envoies quelqu'un assez rapidement, si à 5 minutes on... Ouais, t'inquiète, okay. Évidemment. Juste pour vous dire, vous avez sur l'autre côté de votre casque, là vous avez la caméra, sur l'autre côté de votre casque, vous avez une torche. Hein, vous pouvez l'activer et ça permet de mettre la lumière au niveau de votre visage. Bah, j'utilise la lampe pour essayer de voir si je trouve les gars. Ouais. Concentre-toi sur le sol, moi je me concentre sur la paroi, voir s'il n'y a pas une brèche ou n'importe quoi. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que ça te dit au niveau de la gravité, de la... ça? Alors là, vous êtes dans une pièce sans gravité en soi, sauf que vous avez vos espèces de bottes magnétiques qui vous permettent de rester fixé au sol. Donc pour l'instant, aucun problème. En sachant que les bottes sont autonomes, il y a un système électrique dans les bottes qui maintiennent l'élément en état en fait. Donc il y a pas de du coup, ça dépend pas de quelque chose en fait. Il y a des gens inconscients dans cette pièce, ils sont encore debout. C'est probable. C'est probable. Ah oui, ça veut dire que tu peux pas tomber. Oui. Bah non. C'est à côté des pieds qui sont vraiment accrochés, du coup. Le reste, il est où? Bah, tu vois, en gros, un bras qui va. Des bras qui vont être un peu dans les airs, en gros, les bras levés. Tu pourrais. tu pourrais penser qu'ils sont toujours conscients. Ils sont comme ça, ils font ouais. Il y en a un donc... qui sera en train de nous faire coucou comme ça dans l'espace. Donc, vous balayez un peu la salle. Alors, pour vous donner une idée de la taille, c'est quand même des grosses machineries, c'est des pompes qui sont énormes. Hein. Donc, c'est une pièce qui fait à peu près 15 mètres de large pour 40 mètres de long. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, vous commencez. Alors, la torche que vous avez, elle balaye pas jusqu'à 40 mètres. Donc, il vous faut quand même aller à tâtons. Et vous savez que les pompes sont tout au fond. Vous commencez à avancer. Vous voyez qu'il y a des machines, mais moins intéressantes sur les côtés, qui sont là, de toute façon, pour autre chose. Et que pour l'instant vous ne voyez absolument rien d'autre que ce qui devrait être là, et toujours pas de camarades. Vous avancez tout doucement. Vous allez tous les deux en direction de là où ils sont, ou peut-être quelqu'un d'autre fait autre chose, peut-être, je sais pas. On est observant, non, quoi. On va rester groupé, je propose quand même. Rester groupé. Ouais, moi j'ai vu assez de films dans l'espace quand ils se séparent, c'est pas bon. Je sais pas, y a pas de chat à chasser, donc ça ira, je pense. Dieu, je viens de repenser à mon personnage. Vous commencez à avancer, et plus vous vous rapprochez du fond, et plus y a un petit bruit qui se fait entendre, comme un ping. Ping! Ping! Comme une pièce de métal, quelque chose qui frapperait le métal. Bah, tout de suite, liaison avec Raymond Astéry, si possible, et on a dit. Il y a un espèce de bruit ponctuel, répétitif, métallique. Comme une caisse. Quoi? Ils sont conscients? Ils sont en train de bosser? Mais non, je te dis, on sait pas, oui, comme peut-être ça serait un coup de marteau, je sais rien. On entend un bruit. On les a pas encore trouvés, mais on entend quelque chose qui bouge en tout cas. Ok, et y a pas un de vous deux qui peut essayer de rétablir le courant? Essayer de voir si vous allez à la boîte de disjoncteur ou l'endroit pour voir si essayer de rétablir le courant dans la pièce ou je sais pas. Je m'en charge. Ok. D'accord, ben je vous rappelle dans 5 minutes. Donc du coup, voilà, donc j'imagine que toi, Wade, tu continues à avancer prudemment ou tu vas vraiment normal Ouais, non, prudemment. Ok, d'accord. Donc et toi, tu te diriges. Alors à peu près, tu connais les pièces, hein, à force, t'as tellement fait de maintenance, Richard, que tu sais exactement. En plus, l'avantage de là où il y a les pompes, c'est que c'est des pièces qui sont identiques c'est des pièces, il y en a oui, chacune, il y a deux pompes, elles sont toutes identiques, donc tu sais exactement là où toute l'électricité se trouve. Ouais. Ok. Donc tu te diriges. Pardon. Non, vas-y. Donc tu te diriges vers la zone, pendant que Wade s'en va, et effectivement quand tu commences un petit peu à arriver dans la zone là où il y a l'électricité, tu remarques, parce que tu n'étais pas assez près en gros, des petites étincelles, des petits arcs électriques, mais c'est très petit, donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas forcément les voir quand tu étais loin. Et a priori, quand tu t'approches, tu remarques que le boîtier, en fait, ce qui ferme le boîtier, ouais. Il est cramé en fait. Ok. Donc, ouais, pas de possibilité de réparation maintenant comme ça, là, légère. Peux déjà peut-être essayer de l'ouvrir et voir. Bon, t'es en combinaison, il y a pas d'électrisation possible. Tu sais que tu es en sécurité. Ta combinaison, ça fait un peu Faraday parce que t'es relié au sol. Si tu touches, il te passera rien pour toi. Tu peux bosser. Ouais. Ok, je remets le boîtier est très endommagé. Il y a dû avoir un incendie. Je remets le courant. Je m'y essaye. Over. Ok, donc tu commences à te rapprocher. Tu ouvres la boîte. Effectivement, tu vois qu'il y a des fils qui ont cramé. et quelques petits composants qui sont un petit peu détériorés. Alors, tu sais que normalement, il y a à côté de ça, il est censé y avoir une boîte, enfin un endroit exprès pour des pièces de remplacement. C'est dans chaque pièce, il y a ce genre de choses. Donc, tu vas me faire un test de maintenance mécanique. Vingt-sept. Écoute, tu sais que tu peux rapidement réparer ça. Il te faudra quand même une vingtaine de minutes pour remettre tout en ordre. Et puis c'est provisoire, quoi. Voilà, et ce sera du rafistolage. Pendant ce temps-là, Wade, tu avances et à force de t'approcher, le bruit commence à être un peu plus important jusqu'au moment où tu vois un gant. Enfin, un morceau de gant, en fait, enfin, juste la main qui dépasse d'une combinaison. Et finalement, quand tu commences à balayer, tu vois le bras et finalement, un de ses camarades qui a justement les deux bras en l'air, qui a la tête un petit peu dans le... qu'il n'y a pas de maintien. Et tu comprends qu'il est inconscient, en fait. Merde. Est-ce que, du coup, il y a des indications sur les tenues, tu sais, qui indiquent, je sais pas, les signes vitaux ou quelque chose ? Effectivement. Quand tu te rapproches, tu vois que, a priori, il est inconscient. Il n'est pas mort, hein. Il est inconscient et que son niveau d'oxygène est très bas. J'active du coup ma communication et je dis j'en ai trouvé un sur deux inconscient. Okay. C'est Peter ou c'est John? C'est. Je regarde. Ah, c'est John. C'est John. Ah, putain, John. Sacré Peter. Tu peux le ramener? T'as moyen de le ramener? Tu... Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu désactives ses bots. Et tu peux le ramener. Moi, je vous envoie des gars pour venir vous soutenir, enfin pour vous donner un coup de main. J'ai bientôt fini, moi, de remettre le courant. Je viens t'aider. Donc, finalement, au bout d'un certain temps, enfin, toi, tu commences un petit peu à... Alors, t'as toujours pas vu. Alors, c'est Peter. C'est ça qui. Ouais, il manque Peter. Voilà, t'as toujours pas vu Peter. Et tu t'occupes de John et au bout d'un moment, et la lumière revient dans toute la pièce. Immédiatement, je pense que je balaye du regard toute la grande étendue pour essayer de voir s'il n'y a pas Peter qui flotte quelque part ou... Tu te rends compte que sur la pompe d'à côté, il y a effectivement Peter qui est le bras... coincé dans une des pompes, son bras est coincé dedans. Il a un bras qui lui est en l'air. Il est inconscient et tu vois en gros que il y a des outils qui se baladent un petit peu dans la pièce et qui du coup ting, c'est qui ouais. Rebondissent un peu partout. Tu te rends compte du coup en regardant John qui est juste à côté de toi. Que un des tuyaux qui relie à la bonbonne d'oxygène est quasiment sectionné. Et il y a. Ça fait okay. Un petit dé de. Qu'est-ce qu'on a comme type? On a un équipement particulier? Genre, est-ce qu'on aurait quelque chose qui permettrait de rafistoler ça? Ou est-ce que c'est vraiment juste qu'il faut qu'on le. Ah bah tu as tous les petits trucs de bricoleur, hein, une espèce de chatterton, une espèce de mousse qui permet de en fait que quand elle durcit elle fige tout en fait, tu vois, un peu comme de voilà. D'accord. Ça te sort de matos quoi. Je vais mettre plusieurs couches de chatterton par dessus et de cette mousse. Ouais, un peu mousse un peu expansée. Donc qui va grossir devant. OK. Ouais. Du coup, tu as ton pote Richard qui arrive et donc Richard, tu qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de l'autre? Bah ouais, du coup. D'accord. Donc tu arrives à côté, tu essaies de le tirer de la machine et pour l'instant, tu n'y arrives pas. Tu vois que son bras, il est vraiment coincé à l'intérieur. La machine est d'accord, le courant est remis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'activer pour justement la dégager? Enfin... Bah, tu vois que la pompe est en défaut. A priori, elle ne devait pas fonctionner. C'est pour ça qu'il a essayé de la réparer, mais que quelque chose s'est mal passé. Mais la pompe est en défaut. Et en forçant ou toi, est-ce que c'est pas envisageable de le dégager? Fais-moi un test de force. Voir si tu, voilà. Tu vas tirer beaucoup plus. Quand on va perdre, on va arriver ici. Alors tu tires dessus et effectivement tu vois que le bras commence à venir. Hein. Tu vois que ça vient pas forcément très facilement. Mais tu vois que des petites gouttelettes qui s'échappent et qui commencent à volter dans la pièce. Alors elles sont pas c'est pas massivement rouge, hein, c'est il doit y avoir une. Je suppose qu'il y a une blessure qui fait que voilà, le sang s'écoule. Mais c'est pas une hémorragie, quoi. Mais en gravité, il n'y a pas de gravité, donc forcément ça tombe pas par terre. Quoi. Ok. Astéri, ici. Ici Dan, rapplique-toi, enfin envoie vite du renfort, j'ai un blessé en plus, il est en plus d'accord. Ok, ça marche, je t'envoie ça. De toute façon, ils arrivent, là, ils sont là dans 5 minutes. Donc, vous commencez un petit peu, j'imagine, à les dégager, à ramener vers la pièce, vers le fond de la pièce. Mm-hmm. Ok, et donc, rapidement, vous voyez à peu près 4 mecs qui commencent à se pointer et qui commencent à prendre en charge les deux. Ils vous voient quand même assez... assez éreinté, parce que mine de rien, il y a toute la fatigue et puis la tension, ce qui vous a un petit peu pris de court. Et vous êtes quand même assez fatigué, donc ils vous disent qu'ils vont s'en occuper. Vous pouvez dégager, retourner, vous reposer un petit peu, mais bon, pas longtemps, quoi. Et ils prennent en charge votre pote Peter et votre pote John. Okay. A priori... Pour les machines, il n'y a pas besoin d'aide non plus. Parce que s'ils étaient là, c'était pour les réparer. Et là, t'entends un Raymond qui dit faites ça. Les deux fonctionnent? Enfin, il n'y en a qu'une qui ne fonctionne pas ou c'est les deux? J'imagine qu'on va regarder juste un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce qui est en état de fonctionner ou pas. Alors, tu vois que la pompe où était John fonctionne. Celle où était Peter, où il y avait le bras dedans, elle ne fonctionne toujours pas. Ouais, une sur deux. Ouais. Bah écoutez, sinon, là pour l'instant, c'est pas d'urgence. On en a encore quatre sûrs qui fonctionnent. Essayez de revenir là, parce que j'ai d'autres trucs à vous faire faire. J'enverrai quelqu'un d'autre. Bon, on y retourne. Ok. Vous revenez. Là, vous allez, en gros, passer au moins 3 ou 4 bonnes heures à isoler, faire des isolations sur des parois qui, en gros, étaient en train de... En fait, les isolants qui avaient été mis étaient complètement fondus. Donc, vous avez remis pour l'isolation dans plusieurs pièces, dans plusieurs endroits. En même temps, on vous a demandé de colmater des brèches qui s'étaient faites dans des conduits d'azote. Que des micro-fissures, des micro-trous dans différents conduits. Vous commencez quand même vachement à être fatigué. Ça fait à peu près 28 heures, 29 heures que vous êtes debout. Ça commence à être très, très, très difficile. Plusieurs heures s'écoulent et on arrive à peu près 5 heures avant le passage du soleil. Là, la température est... c'est un truc de fou. En fait, en gros, vous êtes quasiment en ressenti. Vous êtes quasiment sur du 50 degrés. Vous êtes épuisé. Vous êtes tous les deux assis sur une paroi. Vous voyez vos camarades qui sont dans le même état que vous. La commandante qui est très inquiète, qui discute avec Raymond. Raymond qui, vous voyez, votre chef est lui aussi exténué, mais il essaie quand même de rester debout. À un moment donné, vous entendez un bruit assez important qui vient d'une pièce où se trouve et juste à côté des boosters. Si jamais il se passe quelque chose ici, c'est quasiment le vaisseau en entier qui explose. Vous voyez Raymond qui commence à flipper, qui commence à courir. Il vous demande tous de venir. Vous allez me faire un jet de constitution. Et c'est un échec, 18. Je meurs sur place. Et toi, Richard ? 11, et tu as, toi, 15 en constit. Ok, ouais. Donc vous commencez à vous lever, tu vois que toi, tu arrives à peu près, c'est quand même difficile, hein, Richard, pour toi de te lever. Ton corps te fait mal de partout, tu sens que t'as ça te gratte dans beaucoup de parties du corps, et tu peux pas te gratter, parce que ça, c'est pas possible, donc, mais c'est vraiment des sensations horribles. Mais bon, tant bien que mal, t'arrives à te lever. Tu vois par contre Wade, pardon, qui commence à se lever. Il va pour quasiment être en debout, et d'un coup, il s'effondre de tout son long par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je préviens par radio, envoyez-moi un infirmier. Non, mais là vous êtes tous ensemble. Il y a Raymond, vous êtes dans la même pièce, mais il y a une urgence. Qui fait que voilà, il te dit faut venir quoi. Si ça se trouve, le vaisseau va exploser si on vient pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu suis Raymond en laissant Wade par terre, ou tu veux quand même te soucier de ce qui se passe pour Wade? J'essaie de me soucier quand même un petit peu de ce qui se passe chez Wade. Genre, je lui tapote la tête. Donc tu vois que Wade il est sonné. Tu sens que bon, il y a sa bouteille d'oxygène, il y a ce qu'il faut, hein. Il est pas voilà, il est très déshydraté, même s'il a quand même de l'eau. Sauf que c'est l'épuisement, c'est une fatigue intense plus la chaleur qui fait que il a plus de force. Mais tu vois que voilà, il est présent. Tu vois qu'il est quand même groggy, un peu comme un boxeur KO. Tu vois, il est il te répond un petit peu, mais bon, il est bof, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses allonger par terre? Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de lui, s'il vous plaît? Tu vois que tout le monde s'est barré. Il y a que toi, là, dans la pièce. Et t'entends Raymond, mais qu'est-ce que tu fous? Viens! Bon, ouais, je peux pas l'asseoir quelque part. Ok, tu vas me faire un test de force, voir si tu arrives à le l'asseoir, tout simplement. Ta combinaison te pèse, mais comme jamais, t'as l'impression d'avoir 200 kilos sur le dos. Écoute, tu sens un regain d'énergie, t'es inquiet quand même pour Wade, tu vois qu'il se sent pas bien, mais il te répond quand même, hein, Wade, hein, il est juste KO. Et t'arrives finalement à le mettre à l'asseoir sur le long du mur. Et tu y vas, c'est ça? Oui, je suis Astérix. D'accord. Donc Wade, pour l'instant, tu es dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Donc tu essayes de rattraper les autres. Tu vois que c'est quand même difficile, hein, Richard. Tu sens que tes forces, elles pourraient t'abandonner à n'importe quel instant. Vous commencez à arriver dans la pièce. Vous voyez qu'il y a un morceau de tôle qui s'est arraché, qui a des boulons qui ont fondu à cause de la chaleur extérieure, puisqu'on arrive quand même pas loin du soleil. Et en gros, un panneau s'est littéralement désagrégé et sorti. Et là, c'est une dépressurisation carrément d'une zone. Et en gros, si jamais on ne ferme pas ça, ça va déchirer littéralement la pièce, et ça peut déchirer le vaisseau, même si c'est un petit endroit, quoi. Donc en gros, il vous faut rapidement, mais très rapidement, sceller cet endroit pour qu'on arrête la dépressurisation. Donc vous avez Raymond qui vous gueule dessus. Richard, va chercher la soudeuse, machin. Va chercher une soudeuse, le toi. Poste à souder, oui. Alain. Oui, je vais chercher le poste à souder, oui. Alain, okay. Va chercher des plaques en acier. Toi, Alphonse, des boulons. des mèches. Quoi, déjà entendu. une perceuse pour faire les trous aussi, pour les boulons. Sinon, ouais, j'ai ça. Donc vous commencez à essayer de vous démener tant bien que mal pour en ramener les choses. Tu vas me faire un test de mental. Fais-moi un test de mental, savoir si tu arrives à focus, si tu arrives à te concentrer sur ce que tu dois faire malgré la fatigue. C'est le 1 là que t'as fait. Ouais, j'en ai absolument rien à foutre. Tout se passe bien. Genre là, c'est tranquille. Ouais, il a déjà vu ça. Il a déjà vu dans l'espace. Tu pars assez rapidement là où tu dois aller chercher. Tu sais exactement où tu vas trouver la soudeuse et tout ça. Donc tu reviens. Le poste à souder. Tu es le premier à être sur les lieux. Et Raymond, en gros, essaye de colmater tant bien que mal avec ce qu'il a sur place, en attendant que Alphonse et Alain ramènent tout ce qu'il faut pour finir de boucler le secteur. Vous commencez à bosser au bout d'un moment. Tu vas me faire un test de maintenance mécanique, s'il te plaît. Savoir si tu fais des bonnes soudures. Alors, la fatigue est là quand même, hein, faut pas déconner. T'as couru dans tous les sens, ça fait quand même pas mal d'heures que t'as pas dormi. L'épuisement te gagne. Au moment où tu dois faire les soudures, tu n'arrives pas à les faire. Littéralement, tu soudes à côté, tu soudes mal. Raymond commence à te gueuler dessus. Mais qu'est-ce que tu fous ? Putain ! Mais t'as déjà essayé de souder sans gravité, espèce d'imbécile. Mais non, mais putain, il faut faire des soudures, bordel. Et tu vois qu'il te pousse, et il commence à faire le job, et il te pousse, tu vas me faire un test de constitution. Et ainsi, Richard se fait projeter hors du vaisseau. Le malaise. Ah, tu vois, et la poussette, c'est pour toi la poussette de trop. Tu commences à essayer de tenir, et finalement, alors même si tu as des bottes qui sont censées être magnétiques, en fait, la zone est en dépressurisation, donc ça, il y a en fait une force extérieure qui essaye de tirer tout vers l'extérieur. Et donc, littéralement, tu sais pas pourquoi, ça arrive à l'endroit où il faut pas, et ça te fait chuter, littéralement. Tu vois le haut de ton corps qui commence à basculer, et tu poses un genou par terre, et tu finis par tomber au sol. Et après, plus rien. Plus d'image, plus de son. Tu finis juste sur un « putain ». Nous sommes à 5 heures après le passage du soleil. Wade, tu te retrouves allongé dans une pièce et tu vois que juste à côté de toi, il y a plusieurs personnes qui sont allongées, dont en regardant plus ou moins difficilement Richard, tu vois qu'il est KO, il bouge pas. Il y a des gens qui commencent un peu, qui passent un peu partout à côté de vous. Tu vois Raymond qui discute avec la commandante qui est assise sur une espèce de siège de fortune. Tu sens qu'elle est épuisée, hein, elle en peut plus. Raymond, c'est pareil. Il tient, mais tu sais pas comment il fait en fait. T'as pas trop de conscience du temps que t'as passé. Je vous ai dit pour vous le moment où on est, mais finalement, vous, toi, tu n'en sais rien en fait. Est-ce que ça fait une heure? Est-ce que ça fait deux, trois, plus? T'en sais rien. Finalement, tu vois que la commande commence à tourner la tête dans ta direction et te voit bouger et la regarder. Donc elle s'approche de toi. Tu vois qu'elle avance difficilement et elle fait Wade, ça va mieux ? Mieux, je sais pas. J'étais assis, maintenant je suis couché. Ouais, on t'a trouvé assis là tout à l'heure. On t'a fait venir ici dans une pièce un peu plus fraîche. Bon, j'espère que ça va aller, mais on l'a fait. On a passé le soleil. Maintenant, ça devrait aller de mieux en mieux. Mais il faut quand même encore être vigilant. J'ai pas bien compris tout ce qui s'est passé. Il y a eu des blessés, enfin des gens plus gravement blessés, plus que moi. Oh, après, pour l'instant, c'est plus. C'est plus de la fatigue, de l'épuisement que autre chose. On a heureusement très peu de personnes blessées à déplorer. Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot à faire. Je pense que je vais réveiller du monde pour nous donner un coup de main. Bah, attention, là t'es pas en état. Continue de te reposer un petit peu. On viendra te rechercher un peu plus tard. Sinon, t'inquiète pas, Richard, ça va, il est juste épuisé. Il est là-bas. Elle te montre Richard. Ouais, j'ai cru reconnaître sa sale gueule là-bas au fond. Moi, tu vois, t'es épuisé, mais au moins t'as toujours de l'humour. C'est déjà bien. Ouais. Tu vois que c'est quand même, malgré tout, l'accablement le plus total. Hein. Les gens sont. Il y a des sourires parce que, malgré tout, vous avez réussi à passer pour l'instant. Les gens sont morts en fait, ils sont épuisés. Et tu commences à te rallonger et le sommeil t'emporte aussi rapidement que ce que tu poses ta tête. Vous finissez par tous les deux vous réveiller. Et vous voyez déjà des gens un peu plus aguerris, un peu plus fringants, même si, bon voilà. Et nous sommes à 14 heures après le passage du soleil. Là, vous entendez Raymond qui dit « Bon, il faut réactiver l'oxygène, on va relancer, recompresser l'azote dans les réservoirs. Il faut essayer de voir pour que tous les caissons cryo soient au mieux. J'ai vu que, donc il parle à plein de gens, hein. J'ai vu qu'il y avait des caissons qui étaient descendus en dessous de moins 135 degrés. Monter au-dessus de moins 135 degrés, il va falloir vraiment les faire descendre. Dépêchez-vous. Et donc tu vois, ça, ceux qui sont encore là essayent de faire au mieux. Faites-moi un test de constitution. 11. Et j'ai 12, je crois. Oui. 8. Alors, Richard, tu as mal partout, encore. Hein. Tu es toujours en combinaison. C'est toujours quand même assez lourd. Mais tu arrives à te lever. Tu vois que Wade, il a un peu de mal. Je vais l'aider. Mais tu... Voilà, bah écoute, tu vois Wade, tu vois Richard arriver et il te tend la main. Et grâce à sa main, grâce à lui, tu arrives à te redresser. Et tout de suite, les bottes prennent la position et clac. Alors, tu sens quand même que tes jambes sont lourdes, hein, mais ça t'a fait quand même du bien de dormir. Et tu sens quand même que la température commence vraiment à baisser, puisque là, quand vous regardez votre thermomètre, eh bien, les salles sont à peu près à 40 degrés. Donc, ça commence à baisser. Bon, clairement, Raymond, il compte pas vraiment sur vous. Il voit que vous n'êtes pas apte à faire grand-chose pour l'instant. Mais malgré tout, il veut que vous alliez vérifier si vous pouvez des composants électroniques. Et surtout toi, Wade, si tu peux aller regarder un petit peu l'état de l'informatique du vaisseau pour savoir si l'ordinateur est toujours apte à faire ses calculs. Sachant que pour l'instant, du fait que vous êtes trop proche du soleil, vous ne pouvez pas contacter encore Exodus, la Terre, parce que le soleil, en gros, il empêche toute communication, vous êtes trop proche. Donc, Richard, vous allez tous les deux, Richard et Wade, vous dirigez vers la salle vers la salle qui gère toute l'informatique. Et vous allez du coup essayer de voir s'il y a des choses qui vont pas. Alors Wade, tu vas me faire un test d'informatique, justement. Donc c'est la science formelle et donc je crois que tu as informatique ou quelque chose qui te rapporte, il me semble. J'ai maintenance informatique. C'est exactement ça. Donc il va se coupler avec ta science formelle. Ok. 87. Je crois que je rate. Ah. Ok. Ouais. Et tu n'es pas si en forme que ça. Finalement, tu commences à bidouiller. Tu commences à voir. Alors, il y a des choses qui te plaisent pas trop. Tu sens qu'il y a des cartes qui ont subi des composants confondus. Donc, tu commences un petit peu à sortir des cartes, voire peut-être pour en remplacer d'autres. Et finalement, tu te rends compte que tu es en train de faire de la merde parce que tu es en train de tout péter. Quand tu tires, ça arrache des slots. Il y a du plastique fondu que tu es en train d'étaler. T'es en train de faire une grosse merdasse, quoi. Ah oui. D'ailleurs, tu vois Richard, que l'autre il est en train de faire de la merde. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fous, putain? Je sais pas. J'étais presque sûr de savoir ce que je faisais jusqu'à présent. T'aurais bien besoin d'un Dolimax, toi. J'en aurais bien besoin, oui, mais j'ai plus de cigares contre lequel l'échanger. Comment ça, tu l'as fumé? Bah non, c'est toi qui l'as. Non, mais on a qu'à dire que tu me l'ordonnes et puis je te filerai quelques Dolimax. Non, je déconne. Oui, dis-moi, attends, le bouton là, il clignote en rouge ou en vert? Je crois que ça m'a rendu daltonien cette histoire. Mais il n'y a pas de bouton là où tu viens de pointer. Non, à côté là, juste là. Et quelle couleur le bouton du coup? D'ailleurs, pour vous donner juste une idée, vous savez que la sueur, quand vous avez la sueur qui coule et ça vous tombe dans les yeux, vu que c'est salé, ça vous pique. En gros, c'est un peu ça en fait. Toute la sueur que t'as accumulée, en fait, t'as les yeux qui piquent. T'as du mal à les ouvrir, donc c'est compliqué pour toi de voir. Et dès que tu essaies de les ouvrir plus, c'est vraiment encore pire, quoi. Ouais. Tu t'y connais un peu en informatique, genre juste la base, un truc comme ça, des circuits? Je sais écrire un texte sur Word. Non, pas ça. Non, pas cette informatique là. Oui, c'est Word 3000. Ah non, ouais, on utilise Word 1990 depuis toujours. Ah oui, d'accord. Après, tu as toujours la science formelle qui peut te donner tes bases d'informatique. Okay, tu peux faire un jet en science formelle si tu veux. Okay, je pense que je vais avoir besoin au moins un peu de ton assistance sur ce coup-là. Si je peux essayer. Écoute, en fait, c'est parce que c'est Word 90 du futur de ouf. Du coup, là, j'ai compris, il suffit de mettre le data input à database 500 et puis en fait, ça remet les paramètres à zéro. Y a pas de souci. C'est évident en fait. Ok, attends. Bon, finalement, tu vois que Richard est quand même à plus de lucidité que toi et que l'informatique c'est de la mécanique. Hein. Tu prends une pièce, tu remplaces par une autre pièce. En plus ça s'emboîte parfaitement. C'est pas moi qu'on aurait dû engager. Ah, mais c'est que des circuits imprimés. Hein. Voilà, donc finalement, l'un dans l'autre, vous arrivez à faire une réparation de fortune. De toute façon, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est juste pour dépanner en attendant de vraiment faire de vraies réparations. Vous tournez tant bien que mal de là où vous êtes venu. Et on vous assoit. Et c'est là le moment où, la commandant dit bon, d'ici quelques heures, on va pouvoir, normalement, si tout va bien, prendre notre première douche. Nous pourrons enlever nos combinaisons et normalement respirer comme il se doit. Ça fait combien de jours qu'on n'a pas pris de douche ? Au moment où ça sera fait, vous aurez fait quasiment presque 3 jours. Ah oui. Okay. Presque 3 jours sans douche, sans dormir. J'ai presque peur d'enlever cette combinaison. D'ailleurs, ça vous démange de partout, même à tel point que il y a des fois, c'est même pas de la démangeaison, c'est vous avez mal. Oui. Ça vous fait mal, littéralement. Il y a dû y avoir des moments où je me suis collé contre un mur pour essayer de me gratter avec le mur et ça n'a pas fonctionné. Bah ouais, avec une combi en acier, là. Et vous voyez que toutes les jointures, tous les endroits où il y a des jointures, des articulations, ça vous fait super mal. Les heures passent. Vous voyez quand même que, ça ferait quasiment plus 30 heures après le passage et le système oxygène a été remis en place et vous pouvez enfin enlever les combinaisons. Quand vous enlevez vos combinaisons, que c'est une horreur immonde, hein, ça a macéré entre la transpiration, les urines, la merde qui s'est accumulée et en gros c'est dégueulasse. Vous voyez que sur vos bras, vos jambes, une bonne partie du corps, vous avez des plaques rouges, même des endroits où c'est carrément à sang parce que ça fait des vraies plaies qui sont purulentes. La commandante a fait installer une espèce des draps qui sont retenus par des crochets au sol pour que vous puissiez en gros vous allonger le temps de et vous allez en gros dans la seule douche qui est pour l'instant praticable puisque il y a pas encore la gravité puisque la roue qui permet de créer la gravité elle est encore en détériorée. A priori il y a quelque chose qui va pas et qui empêche qu'elle tourne. Du coup, vous allez dans la seule douche qui est possible, qui est sur la passerelle, proche de la cabine de la commandant, et qui est une douche spéciale, en gros, qui envoie des trucs sous pression pour vous nettoyer. En même temps que vous appréciez le fait que l'eau puisse vous nettoyer, en même temps, vous criez de douleur parce que les plaies sont tellement horribles que en gros ça vous brûle de partout dès que l'eau en fait vous touche, mais vous finissez à un moment donné par être propre, enfin à peu près propre, et c'est là que du coup la commandant décide de vous faire appeler tous les deux et vous allez aller dans son bureau. Ah, mais c'est sûr que c'est parce qu'on s'est évanoui, il veut nous faire chier, là. Asseyez-vous. J'ai une plaie sur les fesses, est-ce que c'est debout? Écoutez, je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait. Quoi que l'on puisse penser, même si vous avez fait quelque chose de extraordinaire, hein. Nous avons passé le soleil, vous avez fait un travail remarquable, tout le monde est épuisé et je ne vous tiendrai pas à rigueur de vous être écroulé, hein. Enfin, vous voyez, hein, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc, je tiens à vous féliciter, à vous remercier de tout ce que vous avez fait. Et si on a a priori réussi à passer ce cap, eh bien, vous en êtes aussi responsable. Donc, merci. Merci à vous. Après, si je vous ai fait venir, ce n'est pas uniquement pour ça. Voilà, comme vous le savez, passer le soleil n'était qu'une étape. Et très bientôt, d'ici un peu plus d'un an, nous devrons passer la barrière des 7 milliards de kilomètres. Comme vous le savez, c'est un moment très important, puisque nous ne savons pas si nous réussirons à le faire, comme je vous l'avais expliqué, du fait des entités qui pourraient nous empêcher de passer. Wade, tu es une des raisons pour laquelle je vous fais venir ici, puisque c'est toi qui as été choisi pour être le nettoyeur qui va devoir faire passer l'Esperanza 70. Et Richard, eh bien, comme tu le sais, les binômes ne peuvent pas être séparés, et c'est important que tu restes avec ton camarade Wade. Mais en même temps, tu seras aussi important que ton camarade, puisque à vous deux, entre les compétences effectives de Wade en tant que nettoyeur, mais aussi en tant qu'informaticien, et toi en maintenance, s'il venait à avoir n'importe quelle avarie pendant ce passage, je compte sur vous et sur vos compétences qui ne sont plus à démontrer, à prouver, pour eh bien, faire en sorte que l'Esperanza 70 passe cette frontière des 7 milliards de kilomètres. Du coup... Ça veut dire qu'on aura une compensation ? Non, il n'y a pas... La compensation, c'est de vivre, Richard. Ouais, à ce sujet, système monétaire, Richard. Bon. Je suis une commandante assez sympathique, mais je tiens à ce que les choses soient claires entre nous. Je suis au courant de tes petits trafics en tout genre. Pour l'instant... Quel trafic ? Je vois pas de quoi vous parlez. Non. Tes petits... C'est scandaleux ce genre de... C'est scandaleux ce genre de... C'est l'autre mec de la sécurité qui a été cafeté là. Exactement. Sache que je suis au courant de tout ce qui se passe sur le vaisseau. La moindre chose, mais reportée. Nous sommes ici en vase clos. Si jamais ça commence à... Il commence à y avoir des tensions, c'est tout le vaisseau qui peut en subir les conséquences. Donc, pour l'instant, étant donné que nous sommes que récemment arrivés, j'ai laissé un peu couler. Alors, je sais que c'est difficile de passer à autre chose sur les habitudes que l'on avait sur Terre. Étant donné que vous avez toujours montré que vous étiez de très bons éléments, j'ai laissé couler. Seulement, voilà, maintenant, nous arrivons à un moment charnière, et le fait que vous soyez seul, mettre à bord pendant que nous serons dans nos caissons, il va falloir vous montrer responsable, et vous sachiez que vous ayez la vie de tout le monde dans vos mains. Donc, j'espère que, Richard, tu sauras montrer plus de responsabilité tant à ces petites choses, même si parfois je pourrais fermer l'œil mais sur certaines petites choses qui se passent, mais pas trop quand même, ne pousse pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé du coup de vous renvoyer dans les caissons. En attendant que soit venu le moment pour vous d'agir. D'ici 2-3 jours, bien, vous pourrez retourner dans les caissons, et on vous réveillera d'ici à peu près un peu plus de 11 mois. Et ce sera à vous, et bien, encore une fois, j'ai envie de dire, de faire passer l'Esperanza 70 dans ce moment charnière et qui nous ouvrira peut-être les portes d'un nouveau monde. Mm. Je peux compter sur vous ? Ouais, ouais. Okay. Toujours, évidemment. J'ai eu quelques informations qui sont tombées et malheureusement, je vous préviens que l'Esperanza 67 ne donne plus de signes de vie. Reste encore le 68 et le 69 qui devraient passer à 4 mois et 2 mois avant le nôtre. Vous aurez probablement des rapports d'Exodus qui vous infirmeront ou pas si ils sont passés ou non. J'espère vraiment que ils seront passés, mais nous ne pouvons pas être sûrs de ça. Que dire de plus ? Essayez de vous reposer un maximum. Et puis, j'espère vous revoir d'ici 6000 ans. Mmh. On en discutera de tout ça. Dans 6000 ans. Du coup, vous commencez à repartir dans vos quartiers. La situation s'améliore de plus en plus. La commandant réveille de plus en plus de monde. Pas des tonnes, mais genre il doit y avoir peut-être une cinquantaine de personnes supplémentaires qui sont réveillées pour mettre le vaisseau en état, hein, sur toutes les avaries qu'il a eues. Pendant ce temps-là, on vous demande simplement de vous reposer, sachant que vous allez devoir retravailler dans vos caissons. Et effectivement, vient le moment le jour où vous allez devoir placer dans vos caissons. Alors, vous êtes, on vous a demandé de ne pas vous alimenter pendant 24 heures, puisque vous devez avoir évacué tout déchet. Donc, on vous donne des espèces de laxatifs, des choses qui vont vous vider littéralement, ce qui vous épuise. Concrètement, vous êtes quasiment, alors pas forcément dans le même état, mais pas loin de l'état d'épuisement que vous aviez pendant le passage du soleil. Et à un moment donné, du coup, les caissons s'ouvrent et commencez à vous asseoir à l'intérieur. Alors vous voyez, à l'intérieur, donc c'est espèce de capitonné, hein, c'est confortable quand vous asseyez, c'est molletonné, hein, mais froid. Vous voyez sur le côté une espèce de bracelet après que vous devez placer sur votre bras. Celui-ci est relié avec un tube. Et quand vous placez celui-ci sur votre bras, comme le ferait par exemple avec le stéthoscope, là, vous savez, pour prendre l'attention, vous sentez un léger picotement et une diode verte s'allume. Et très rapidement, vous vous sentez partir. Est-ce qu'il y en a un qui laisse le faire l'autre en premier ou vous le faites tous les deux en même temps ? Non. Moi, je l'ai fait. Enfin, moi, quand ça s'est ouvert, je me suis mis dedans. Je vais le faire en deuxième, comme ça, je vais pouvoir le regarder. Est-ce que, avant de vraiment vous endormir, enfin, parce que là, est-ce que vous dites quelque chose ou rien ? Vous savez que vous oubliez à peu près dans un peu moins d'un an. T'inquiète pas qu'elle peut compter sur moi, l'autre. Compter sur moi pour la débrancher, elle est l'enfleuré qui m'a dénoncé. J'ai son nom si tu... Oh. m'endors. tu vois Wade, en gros, qui essayait de te le dire. Hein. Et finalement, tu vois qu'il est allongé et qui perd Allô conscience, en fait. Et c'est le moment où, en gros, le couvercle de son caisson se ferme. Tu sens qu'il y a un clic hermétique qui se met. Et tu vois, petit à petit, un liquide qui commence à remplir petit à petit le caisson. Et qui vient carrément recouvrir son visage. Alors tu sens pas qu'il a pas de mouvement de, parce qu'il comme il est inconscient, il a pas de mouvement de panique ou rien. Tout simplement, ça le recouvre. Et tu vois des constantes qui continuent toujours à... Mais petit à petit, son cœur commence à ralentir de plus en plus pour arriver à quelque chose de très petit, petit, petit, petit. Et plus rien. Ah, en gros, il fait dodo et à la prochaine. C'est le moment où toi, tu le fais ou tu le flippes et tu te barres en courant. Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Ok, eh bien... Tu le suis dans ton caisson et très rapidement, tu t'endors et à dans 11 mois.